إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إنه لا يخلو واحد منا من تقصير في فرائض الإسلام، تقصير في الأداء وخلل أثناء الأداء. وعدو الله إبليس يتسلط على المسلم عند الدخول في الصلاة، يذكره ما كان غائبا عنه، فيشغل قلبه بما لا خير له فيه ولا مصلحة له منه، ولكن ليضعف قلبه في صلاته وليضعف مناجاته لربه. فإن موقف المصلي موقف عظيم يناجي فيه ربه ويفضي بحاجته إلى ربه، فعدو الله يذكره ما كان غائبا. ولأن المسلم لا يكتب له من صلاته إلا ما كان حاضر القلب أثناء الأداء، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. ولذلك جاء في حديث الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له، رواه البخاري ومسلم. فلما كان هذا الضعف ملازما لنا في أداء الفرائض، شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا نوافل من الصلوات ليجبر بها نقص فرائضنا، ولتكمل بها فرائضنا يوم قدومنا على الله سبحانه وتعالى. Chers musulmans et musulmanes, sachez que personne parmi nous n'est à l'abri de manquements à l'égard des obligations de l'islam, que ce soit dans l'accomplissement même de ces obligations ou que ce soit pendant l'accomplissement de ces obligations. L'ennemi d'Allah, Satan, vient à l'être humain, vient au musulman lorsqu'il entre dans sa prière, et il fait rappeler au musulman des choses qui étaient oubliées pour lui, afin de le perturber, afin de l'occuper et d'occuper son esprit pendant cette prière, des choses dans lesquelles il n'y a ni bien ni bénéfice. Le diable fait rappeler ces choses aux musulmans lorsqu'il entre dans sa prière, afin d'affaiblir le cœur de ce musulman. Ce musulman qui s'adresse à son Seigneur pendant sa prière, il est donc dans une position extrêmement importante et grandiose, et le musulman se doit d'avoir une présence du cœur pendant sa prière, et qu'il sache que lorsqu'il prie, il s'adresse au Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Le diable vient à lui afin de le distraire. Et sachez que n'est inscrit de vos prières et n'est accepté de vos prières que les moments dans lesquels la présence du cœur est là. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit: tu n'as de ta prière que ce que tu as raisonné pendant celle-ci. Tu n'as de ta prière que ce que tu as raisonné pendant celle-ci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a parlé des mérites et des ablutions, il a dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui fait ses ablutions puis accomplit 2 unités de prière sans parler à sa personne pendant celle-ci, c'est-à-dire en étant concentré, en ayant une présence d'esprit pendant sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe alors de la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera à cette personne, comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim. Et parce que les manquements à l'égard des obligations sont une chose qui sont présentes chez chacun parmi nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré d'accomplir les prières surérogatoires qui viennent combler les défauts et les manquements des obligations. Et afin que nos obligations soient complétées le jour où nous rencontrerons notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Thumma alamu anna awwala ma nuhasabu alayhi wa anhu yawm al-qiyamati min a'malina fima baynana wa bayna Allah hadhihi as-salawatu al-khams fa in salahat faqad aflaha al-mu'minu wa najah wa in hasala fiha khalalun qala Allah انظروا هل لعبدي من تطوع فكملوا به نقص فريضته وكذلك الزكاة والصوم والحج فحافظ أيها المسلم على نوافل الصلوات فإن ذلك خير لك في أمورك كلها وجبر لنقص فريضتك وتكميل لها وزيادة خير على خير. جاء ربيعة السلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم له وضوءه، أي يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم ماء الوضوء، فقال له صلى الله عليه وسلم سلني حاجتك، فقال ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا ربيعة، قال هو ذاك، قال صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم. فالمعنى أن كثرة السجود، كثرة نوافل الطاعة، سبب لمرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ثم اعلم أيها المسلم أن محافظتك على نوافل الصلاة سبب لمحبة الله لك وتوفيق الله لك في أعمالك كلها. فقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم يقول عن الله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الفضل العظيم سببه كثرة نوافل الصلاة، كثرة نوافل الطاعات من صلاة وصدقة وصيام وحج. Sache, chers musulmans et musulmanes, que la première chose sur laquelle nous devrons rendre compte le jour du jugement parmi nos actes seront les 5 prières obligatoires. Si elles sont bonnes, alors le croyant sera victorieux et gagnera, incha'Allah ta'ala, les délices de l'au-delà. Et s'il y a dans ces 5 prières des manquements ou des défauts, Allah Azza wa Jal dira aux anges, « Regardez ce qu'a en sa possession mon serviteur comme acte surérogatoire. » afin de compléter le manque de ses obligations. Et il sera fait ainsi pour la zakat, pour le jeûne ainsi que pour le pèlerinage. Ainsi, chers musulmans et musulmanes, prends soin et applique-toi dans l'accomplissement des prières surérogatoires. Cela ne sera qu'un bien pour toi. Cela complétera le manque qu'il y a dans tes obligations. Et cela sera un bien au-dessus d'un bien. Rabi'atun As-Sulami a apporté de l'eau pour faire les ablutions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, demande-moi une chose, de quoi as-tu besoin? Rabi'a radiyallahu anhu a répondu, je demande d'être en ta compagnie au paradis ou envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, y a-t-il autre chose au Rabi'a? C'est-à-dire, y a-t-il autre chose que tu souhaites? Il a dit, non, ô envoyé d'Allah, voilà ce que je souhaite. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, aide-moi par ta personne en faisant beaucoup de prosternations, rapporté par Muslim. C'est-à-dire que le fait de beaucoup se prosterner pour Allah azawajal, le fait de multiplier les prières surérogatoires est une cause qui amène à être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Sache, chers musulmans et musulmanes, que le fait d'accomplir des prières surérogatoires est une cause qui amène à ce qu'Allah azawajal t'aime et qu'Allah azawajal te permet d'accomplir de bonnes œuvres. Dans le hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah azawajal dit, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher vers moi à travers les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis alors l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. Et s'il me demande, je lui donnerai. Et s'il me demande la protection, je le protégerai. Rawahu al-Bukhari. Ceci est le mérite immense, chers musulmans et musulmanes. Et ce qui apporte ce mérite immense, c'est le fait de multiplier les prières surérogatoires, que ce soit les prières, les aumônes, le jeûne ou le pèlerinage. Thumma alamu ayyuha al-muslimun, anna nabiyyana sallallahu alayhi wa sallam shara'a lana rawatiba qabla al-fariida, rawatiba ba'daha wa rawatiba qabla as-salati wa rawatiba ba'daha. فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر رواه البخاري فهذه عشر نوافل ويسميها العلماء الراتبة لأنها محددة قبل الوقت وبعده فقبل الظهر ركعتان وبعد الظهر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وبعد العشاء ركعتان وقبل الفجر ركعتان أما بعد العصر فلا لأنه وقت نهي وقبل العصر سنة مطلقة وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على ثنتي عشرة سجدة في يومه وليلته حرمه الله على النار أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء ركعتين قبل الفجر رواه مسلم. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré des prières surérogatoires qui reviennent de façon périodique, avant les prières obligatoires et après les prières obligatoires. Abdullah ibn Umar radiyallahu an nous informe qu'il a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait d'accomplir deux raka'at avant la prière de dhuhr, deux raka'at après la prière de dhuhr, deux raka'at après la prière du maghrib, deux raka'at après la prière du isha et deux raka'at avant la prière du Fajr, rapporté par Al-Bukhari. Ce sont donc 10 unités de prière que les savants appellent Ar-Rawatib, car ces prières surérogatoires sont liées aux prières obligatoires. Il y a 2 unités de prière à accomplir avant la prière du Dhuhr, 2 unités de prière à accomplir après la prière du Dhuhr, 2 unités de prière après la prière du Maghrib, 2 unités de prière après la prière de l'Isha, et 2 unités de prière avant la prière du Fajr. Et dans le hadith de Umm Habiba, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui est assidu en accomplissant 12 unités de prière dans sa journée et sa nuit, Allah lui interdira l'entrée en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dénumérait ces 12 unités de prière. Il a dit alayhi salatu wa sallam, 4 avant la prière de Dhuhr, 2 après la prière de Dhuhr, 2 après la prière du Maghrib, 2 après la prière du Isha et 2 avant la prière du Fajr. Rawahu Muslim. ثم اعلموا ان هذه الفضائل العظيمه هي يسيره على من يسرها الله عليه هنيه سهله وشاقه على من حرم التوفيق وكم يشتغل الانسان بقيل وقال وياخذ باطراف حديث ويحدث غيره وتذهب اوقاته دون ان يستغلها في هذا الفضل العظيم اعلموا أن هناك نوافل شرعت لنا قبل العصر قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود وقبل المغرب يقول عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة رواه البخاري وقال أيضا عليه الصلاة والسلام بين كل آذانين صلاة أي بين الآذان والإقامة وشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى ركعتين ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث أن أوتر قبل أن أنام وأن أصلي ركعتي الضحى وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. Sachez que ces actes surérogatoires, ces adorations surérogatoires sont simples et aisées pour celui à qui Allah les a facilités. Elles sont également dures à accomplir pour celui qui est privé du bien. Et combien les gens sont occupés à parler, à s'occuper de parler de façon futile et à rentrer dans des discussions d'un tel point que leur temps part sans qu'ils ne l'aient utilisé de la meilleure des façons. Et il part sans qu'il n'ait profité de tous ces mérites immenses dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré d'autres prières surérogatoires. Il nous a légiféré sallallahu alayhi wa sallam de prier avant la prière de l'Asr. Il dit sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui prie 4 raka'at avant la prière du Asr. Qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui prie 4 unités de prière avant la prière de l'Asr. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, concernant les prières surérogatoires avant la prière du Maghrib, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, priez avant la prière du Maghrib, priez avant la prière du Maghrib, priez avant la prière du Maghrib. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui le souhaite, de peur que les gens ne prennent cela comme une obligation. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, entre chaque appel à la prière, il y a une prière. Entre chaque appel à la prière, il y a une prière. C'est-à-dire entre al-adhan et al-iqama, il y a une prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également légiféré de prier la prière de Dhuha, de l'accomplir en faisant 2 unités de prière. Abu Hurayrata radiyallahu an, comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dit « Mon ami intime, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a conseillé 3 choses, d'accomplir le witr avant de dormir et de prier les 2 unités de prière d'ad-duha, c'est-à-dire après que le soleil se soit levé, entre le lever du soleil et le fait et avant que le soleil n'atteigne son zénith, et de prier chaque mois et de jeûner chaque mois 3 jours, et de jeûner chaque mois 3 jours. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أن فعل النوافل في البيت نور للبيت وخير يحل بالمنزل ويقتدي بك غيرك ويتأسى بك زوجتك وأولادك من ذكور وإناث والبيت إذا عمر بالطاعة ابتعد عنه الشيطان وإذا خرب من الخير امتلأ بالشياطين فنور بيتك أيها المسلم بالنوافل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا بمعنى أي صلوا فيها وقال صلى الله عليه وسلم خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة رواه البخاري ومسلم فالفرائض محلها المساجد والنوافل محلها البيوت ليكون ذلك أقوى في الإخلاص وأعظم في الطاعة. Sachez que les prières surérogatoires sont une lumière que le musulman apporte dans sa maison. Et le fait d'accomplir les prières surérogatoires dans les maisons permettra à ta femme et à tes enfants de prendre exemple sur toi. La maison, lorsque il s'y trouve l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, les diables s'en sauvent. Et une maison dans laquelle l'adoration d'Allah et l'obéissance d'Allah n'y est pas présente, est infestée de diables. Ainsi, illumine, chers musulmans et musulmanes, illumine ta maison par les prières surérogatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas de vos maisons des tombes, c'est-à-dire priez dans celles-ci. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure prière de l'homme est celle qu'il accomplit chez soi, sauf la prière obligatoire, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, les prières obligatoires pour les hommes s'accomplissent dans les mosquées. Quant aux prières surérogatoires, elles s'accomplissent dans les maisons, afin que cela soit plus propice à accomplir des prières en toute sincérité. Car une personne, un homme qui prie dans sa maison, loin du regard des gens, accomplit une prière qui est sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. أيها المسلمون إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على سنة الوتر وما كان يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا صلى الله عليه وسلم وقال لنا عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يحافظ على الوتر وشرع للمسلم أن يوتر آخر الليل إن وثق بنفسه في قيام الليل أو يوتر أول الليل إن لم يثق بنفسه من قيام آخر الليل فليوتر بعد صلاة العشاء وسنتها المهم المحافظة عليه والوتر أقله واحدة وأدنى كماله 3 يوتر المسلم بها بعد العشاء وسنتها فيصلي 3 ركعات إن شاء فصل بينهما بسلام وإن شاء وصلهما 3 وإن صلى 5 أو 7 فذاك خير وأفضل وإن وفق للكمال فصلى 11 ركعة يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة فذاك الكمال الذي هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر من ذلك 3. رواه البخاري ومسلم. للبروفيت صلى الله عليه وسلم accorder une importance particulière à la sunna du witr, à la prière du witr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas le witr, qu'il soit résident ou en voyage. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam: accomplissez le witr, ô vous les gens du Coran, car Allah est un père, car Allah est unique et il aime le witr. Car Allah est unique et il aime le witr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait cette prière et il a légiféré aux musulmans de l'accomplir vers la fin de la nuit si ce musulman est sûr de pouvoir se lever la nuit, ou bien d'accomplir le witr au début de la nuit s'il craint de ne pas pouvoir se lever en fin de nuit, ainsi qu'il prie le witr s'il a peur de ne pas se lever après la prière de l'Isha, et après avoir accompli les 2 unités de prière à Rawatib, dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths précédemment cités. Et le minimum pour le witr est d'une rak'a. Ce qui est le minimum recommandable est de l'accomplir en 3 rak'a'at. Le musulman l'accomplit en 3 rak'a'at. Il peut accomplir le witr en faisant les 3 unités de prière les unes après les autres et terminer par la 3e. Ou bien il peut en faire 2, saluer, puis en terminer, en faire une unité de prière pour terminer les 3. Il a le droit également de prier le witr en faisant 5 unités de prière ou 7. Plus il en fait et mieux cela est. Et s'il veut la perfection, alors qu'il prie 11 unités de prière et qu'il salue après chaque 2 unités de prière, qu'il prie 2, puis 2, puis 2, puis 2, puis 2, puis 1. Cela est la perfection. Et c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas plus de 11 unités de prière, que ce soit pendant le ramadan ou en dehors du ramadan. Il accomplissait 11 unités de prière. Il priait 4 unités de prière. Ne demande pas sur leur beauté et leur longueur. Puis il accomplissait 4 unités de prière. Ne demande pas sur leur beauté et leur longueur. Puis il accomplissait le witr en faisant 3 unités de prière. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. فحافظوا أيها المسلم على الوتر ولا تضيعوه، فإن السلف يشددون في أمره ويرغبون فيه ويرون تاركه والمحافظة على تركه يرون ذلك نقصا في حق الإنسان، فحافظوا عليه لعلكم تفلحون. Ainsi, préservez cette prière du witr et ne la délaissez pas, car nos pieux prédécesseurs étaient durs concernant la prière du witr. Certains savants sont même partis considérer que le witr est obligatoire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais délaissé, qu'il soit voyageur ou résident. Les pieux prédécesseurs étaient durs à l'égard de celui qui délaissait la prière du witr, et ils considéraient que celui qui délaissait la prière du witr, que cela était un grave manquement de la personne. Préservez donc cette prière afin de connaître la félicité. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يحافظون على نوافل الصلوات. اللهم اجعلنا من الذين يقومون آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجبر النقص